Aujourd'hui, on écoute une cassette un peu secrète de Ludulu. En face B, une sélection du meilleur de Dastum Media par Anna. De monta camera d'espé meye yade. Nom que la wen camera des nom que la wen aloho. Nom que la wen camera des karma zazo amo. Mazad vazega halala. We're waiting for the parade. Tam super bit met kick. tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick, tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick, tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick, tam kick a bit, tam kick a bit, tam kick a bit, tam kick a bit, tam kick a bit, tam kick a bit, tam kick a bit, tam soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, soup, kick, soup. Tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick, tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick, tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick, tam kick a bit mit soup, tam soup a bit mit kick. Hélène Zoar, en bas de sanglant, va le chariot blessé, Petra montée des non-en hospital, gagnant à l'abandonné. Bouddha Zotu, d'Ajange Ganté, et en mes meilleurs poêltrons. Mais bédin de zenten fusul, péta per boulet de canon. Petra monté dans la fatigue, y va l'aidre en un chaud. Péo cousquet nardjue les planches et barzahar de gardo. Ya, on est à zoar d'huile, aga veillé na calet, et vide repose y'a harf baur, y'a péhanis aux cornes. Cargue quand causez-ni, mais vos clévés de l'arrêt. Ma vie, j'ai béchon, mais ma maman berger, mais ni j'ai me soulagé. Oh, te vet, maman baour, te vet, nalarit kézé. Ugale alpes, rois erguer. A gazo d'or qu'enez amé. Bugale alpes roiser guir, a zo d'or qu'enez amé. Ya gauche y couret maman baur, pavéet en o nécessité. O ya d'or hui ma roi gosa, ya d'or hui nem adressant. Io posso jes va mamba va ma vo varar bidno. Possible you and me, que fait marrante. Possible you and me, que fait marrante. Possible you and me, que fait marrante. Good and really good and make glass cook and nagar. In our pot, yawang, da bijou din partout, trader, trimé. Good and she good and a pot, yawang, nagar. In our pot, yawang, da bijou din partout, trader, trimé. Possible you and me, que fait marrante. Possible you and me, que fait marrante. Possible you and me, que fait marrante. Skol van Escobleon, zo En kishen pares gan iskan. En kishen pares gan iskan. Penam am skalvan, tavele varko. E kavaz antan vara harzo. E kavaz antan vara harzo. Ma benoes agan idoue. Dans les bénéfices et la qui est dosée. Mais ta maman, ce qu'elle va neuve. Penamam, ce qu'elle va d'aguerradour. Et qu'elle va zère fenten tous les d'or. Et qu'elle va zère fenten et tous les d'or. Ma benoise, a honni doué. Dans les bénéfices. Qui est dosé, mais ta maman scolvant lavé. Penamam scolvant d'agousquet, terrible alvézé occupé, terrible alvézé y occupé. Piu adazé, piu azazé, qu'en divez adze varvalé. Mais ta maman, scolvant ave. David maman, na wilitket. O map scolvant ze deuit de kwelet. O map scolvant ze deuit de kwelet. O maman bau, ma pardonnet. Me ames gret pini jen galet. Me ames gret pini jen galet. Ya hakar cher dentimat avri bez avra bez alaka da la hata da hazam biana pa ya hakar cher dentimat gamet kana huitelat butai bener prenech avri bez avra bez alaka da la hata da hazam biana butai bener prenech da velet piu adre meno. Ah, car cher Neveriket! Avri bez abra bez alauta da lawa hasta da haza ma bion arwen. Ah, car cher Neveriket, bez a interet nerveret. Interinion en duarkar! Avri bez abra bez alauta da lawa hasta da haza ma bion arwen. Interinion en duarkar, a give pem kas variler. A give pem kas a pem ki. Avri bez avra bez alauta da lawa hasta da haza ma bion arwen. A give pem kas a pem ki, pe ba lune du var ufri. Pe ba fleuren en o genouillou. Avri bez avra bez alauta da lawa hasta da haza ma bion arwen. Pe ba fleuren en o genouillou, da gana libera da muntrer ala. mes meus plantées d'un jardin, ur bouquet à des rosem, une anzo ruse à glace, à guiben à zo gwen, en imir vissé, à zo gea brillant, calon igma mestrez, à zo pareil à mon, calon igma mestrez, à zo pareil à mon, une plante d'un halon, ur bouquet à tourman, en inigwen à wele, à riquen de zandez, que men na zigore, panari a reiste, an mini glas a wele, o kleve de preposi, que na zivere an dour, estrang an e deli, que na zivere an dour, estrang an e grichu, ma mi zebe dan deili, a skilie da o lagat, ne mi ze gre da fenten, a vi ze admirat, me mi ze gre da fenten, a vi ze sklere zour, A zervich feu d'armée, d'auber orme les ours. A zervich feu d'armée, d'adi wale zala you trai tou. Klopen, klopen, var klopen, a strak, a skrij, a wigour, et tre da dent. Krochen, krochen, diskrochenet, on bet. Ce sont mes os qui craquent, qui craquent. Klopen, klopen, da glopen, la strak. A skrij, a wigour, etre da dent. Krochen, krochen, diskrochenet, on bet. Ce sont tes os qui craquent, qui craquent. Ce sont tes os qui craquent, qui craquent. Ce sont tes os qui craquent, qui craquent. Do the night. Never, never, never. Diawanka bemzeg vlawa nem lakke darima. Evit di du yamzer onan anenenananou, evit didu i amzer pa den oan en traval do Var zuge d'ar vit un e rien pere im pli jalouz a oen. Degase dion meus a bel vro na na na na na na na degase dion meus a bel vro gant an doktor an vedniko. Koulz ar botre da gam e red an ol ez in bremant touele. O dalak bebzino a han o la na na na na na na o dalak bebzino a han e kefio ar gouan amant. Da vont d'ar part de la bourrane et rencontre kawe d'ar jika. Ur garoten en o godel o na, na ne ne na na no. Ur garoten en o godel koulz ar mestre vel ar An a outrou paia da bourmen hag emera liviten. Ez ao zorn gantan e vrago o na, na ne ne na na no. Ez ao zorn gantan e vrago ur zigaret e ne e no. Ar por kez fan char pil ya oer, teur ar a fe izi vesker. O pave handignan ar u o na, na ne ne na na no. O pave handignan ar u da glas ta pout bazan d'ar du. O da da pou d'un tam me go kweye deus ginou an aotro. O da da stum un tam me go kweye deus ginou an aotro. O c'hoaze vez avra le den o na na ne ne na na no. O c'hoaze vez avra le den parek aod ur zigareten. Et voilà la phase B, le best of weirdo de Dastum Media, concocté par Anna. Pau pau cheriverne, na marie, na marie, rau pau pau cheriverne, na marie, kio e olole, olole, na mejane, kio e olole, na mejane, kio e olole, o rau pau pau cheriverne, na marie, na Rau pau pau cheri verne, na mari e kio e olole. Ar balzen nevez nevez lam, saia da vir koul sa da wam, di bidou stei top, ta da di dei de nei twa la lop, ta da di dei da. Ar ve hen de we chon di mi, ar ga wam u e koul sa gi, di bidou stei top, ta da di dei de nei twa la lop, ta da di dei da. Ta gomz ur din deus va di mi, ne gomz e ket ur marichel din, di bidou stei top, ta da di dei de ne ta la lop, ta da di dei da. O marichel pat te di bret, lan ar laud ur tout deus i vek, di bidou stei top, ta da di dei de ne ta la lop, ta da di dei da. Ta gomz ur din deus va di mi, ne gomz e ket ur mason ur din, di bidou stei top, ta da di dei de ne ta la lop, ta da di dei da. O maçon air pâteux annonce, l'un avri bien tous deux igouf, dividou stay top, tadadidididididalalop, tadadididad. Pas gomz jardin de zadimi, et gomz équid au halidin, dividou stay top, tadadididididalalop, tadadididad. Et togande yo hiskenat, après nesken kuyan isa ou la gat, dividou stay top, tadadididididalalop, tadadididad. Ding de zladimi, ne komze ke de zon tverdin, di vidou stay top, En chemin de ma vie, mon revendique en doux. Salut du nord, mon drame, et wabondique en œil des hommes, et wabondique en œil des hommes. Agueni dans la plaie, ma wabondique en œil des hommes. Agueni dans la plaie, ma wabondique en doux. Du zèr d'un penu et là, et wa bardi kenei neigzen, et wa bardi kenei neigzen. Tomate va vanteri, pa wa bardi kenei neigzen. Tomate va vanteri, pa wa bardi kendu. Rapot pian la zela gade, et wa bardi kenei neigzen. E wa bordi kenei neigzen, veke guie piwe da wa bordi kenei neigzen, veke guie piwe ve fe wa bordi kendu, veke guie piwe ve fe wa bordi kenei neigzen, e wa bordi kenei neigzen. Betar mirineri ve wa bordi kenei neigzen. Betar mirineri ve wa bordi kendu. Salut eta omeleder e wa bordi kenei neigzen. E wa bordi kenei neigzen. Aion do plazonte gompe wa bordi kenei neigzen. Ayon do clazonte gompe wa bordi kendu. Ede gomper nanne onke de wa bordi kenei neigzen. Ewe bordi kenei neigzen. Me viridik suare bwed wa bordi kenei neigzen. Me viridik suare bwed wa bordi kendu. Oya eta o milenere we bordi Ola ki go karik bado sigmar jan Nikola ki go karik o kishen baini an go karik an dau an in bo toa dikan dau ken mette wa marlou de gahada han o mando an in bo erus an dau Ola ki go ko vigmado sigmar jan Nikola ki go ko vig o kishen baini Han in boko di kabna ou an in boko kari kando ou an in boko toa di kando ou ken vete wa marlo ou lege hada an omando ou an in boko eru sando ou. Ola ki ko ta li gbado sig marjan e ko la ki ko ta li go kishen baini. An in boko ta li kando ou an in boko vi kando ou an in boko kari kando ou an in boko toa di kando ou ken vete wa marlo ou lege hada an omando ou an in boko eru sando ou. Ola ki ko kaini gbado sig marjan e ko la ki ko kaini ko kishen baini an in boko kaini kando ou an in boko tali kando ou an in boko vi kando ou an in boko toa di kando ou an in boko kari kando ou an in boko toa di kando ou ken vete wa marlo ou lega hata an o mando ou an in boko eru sando ou. Ola ki go reori gbado sig marjan e ko la ki go reori go kishen baini an in boko kari kando ou an in boko kaini kando ou an in boko tali kando ou an in boko begi kando ou an in boko kobi kando ou an in boko kari kando ou an in boko toa di kando ou ken vete ma kalo ou de ha dan han o mando ou an in boko eru sando ou. Par la vie dont elle noyait, cherche à la rue. Par les données au poiriga, Dans la madresse de la mesure, d'avant d'être gandarial. Rhum, par la ridon de noyer, cherche à la rue. Rhum, par la ridon de noyer. Down, der Maroshan, I bow der, du blanken et adodal, quand sa chan et d'andoua, en tout la redon, et de chan et d'un étron, en iléienne et d'avouetos, rortené d'ahilos, en iléienne et d'avouedal, pendant chan et d'éjeunat, frise, down, din, après. Down, oui, oui, il y avait des tas de comptines comme ça, l'une après l'autre. Amom de Zandoua, Rik Panom, Kividendou, Gendo, Matupendaben, Kenafrono, Kenafrono, Tom, Badupendaben, Kenafrono, Malosten, Marjan et Losten, Ben, Kargerid. Oui, ça, ça, ça, c'était les comptines. Parce que comment c'était ça, quoi. Ouais. Ah oui, ça, on chantait encore comment. Et m'a dit avoir gaudi, et m'a dit scotch à gaudi, et m'a dit strap. Là, ça me rappelle des jours de mon père. Et m'a dit avoir gaudi, et m'a dit scotch à gaudi, et m'a dit strap à gaudi, et m'a dit une femme qui me trahit, on va être belle, maman, on va être en tambarment. Et ça, je me rappelle des genoux de mon père. Tu te rends compte? Oui. Après, il y avait le chien qui aboie. Comment qu'il dit? Armestarguer. Non, le coq, il chante. Armestarguer. Alors, le chat qui dit, miaoué, miaoué. Et puis, le chien qui aboie, atou. Mais moi, je connais un monsieur à Plonur, il ne racontera. Mais il me bébé un repos sans me gâter. Et ben, répète, Dieu, je vais l'en dire, quoi. Qu'il, oui. Puis, il récitait, quoi. C'était pas chanté. Mais quoi. Ma mère, elle avait raconté tous ces trucs-là. Mais tout ça, c'est avec le breton, tout et est perdu. Et puis, perdu, on y a, an intron, jiver mez, gaike mort, souben lez, an otro, awe bour, an otro, ewe bour, gaike mort, souben lour, Blohi, et voit dal, gaïque mort, souvent zal, agapod, et voit bon, ah, voit garde, laissez-y ça. Y'a bien d'apon, d'abon, d'abon, récamon, de gébrignon, d'anintron, divan, mais, gaïque mort, souvent les agapod, ah, ben, ah, oui, ça, c'est oui. Ça, c'est celui-là. Oui. Marbrun, et chine, chine, pine, guine, pine, rose, y'a doigt, calabouche, moustique. Mais ça, c'était pour jouer avec ça. Là, on mettait le doigt, quoi, qui restait, et puis ça y est. Oui, c'est vous qui nous le rappelez. Vous nous les rappelez. Oui, bien sûr. Et oui, c'est ça, quoi. Ça revient, parce que moi, j'ai... Me amabe de hazigos agawabi en apigos. Me amabe de hazigos agawabi en apigos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ça te arrive une heure, broyeur, qu'un grand canard, pas trop. Un yuantis au folle gueté, un folle réseau à nez, twist à chiste. Un yuantis au mime, twist à chiste. Un yuantis au mime, twist à chiste. Un yuantis au mime, pas notre gobert, mais dans cet an. Aragon Gomper Nantcher, il danse mon vitra bête. Gérali Weir Charleston, un tango or valser balbreton. Twist à schiste, ne glamant chemi met twist à schiste. Ne ouyant chemi met twist à schiste. Ne ouyant chemi benos gobe. Jobikali des oeurs vedette. Awe des trappes never marquette. Je big beganer madison, me gardi mar fuir el gato, twist a shist, ne gama che mi me twist a shist, ne uyan che mi me twist a shist, ne uyan che mi penos gobe, potre marchieta vi dans sal un twist, che me re ugor vad a shist, a vi dans sal ur madison, debe debe vita calcion, twist a shist, ne uyan che mi me twist a shist, ne gama che mi me twist a shist, Eu i ocho mi benos gobe, rock and roll un cha cha cha, ale arwe da yor bossa nova, non cui ocho den twist neve, au arma di son ove, twist a shist, nege o ocho mi me twist a shist, neve o ocho mi me twist a shist, eu i ocho mi benos gobe, me uci pli potred marchiet, shemet fur el gir vrotonet, Her Madison m'a vaut une day, à ta voix danser la ridée, au cœur est twist à chiste, un lance mime est twist à chiste, un lance mime est twist à chiste, un lance mime est twist à chiste. Maroué, m'amme navalo, na nevo qui ne giste, maroué, m'amme navalo, na nevo qui ne giste. Anna touche, na dosi delio zo pehet veni marwell. Anna touche, na dosi avalo zo pehet veni el. C'est ça, mais c'est pas ce ton là. C'est pas ce ton là. Et encore, il y a quelque chose parce que les branches baignaient dans l'eau aussi. Elle est plus longue que ça, hein? Oui. Oui. Oui. Maman avalo, na ne voque ne giste, na touche, na deux idéaux, zo pehet venir, na touche, dosi avalo, zo pehet marvel. L'un des deux, quoi, hein? Oui, oui. Tu vois? Mais il y a quelque chose, hein? Parce que c'était un pommier qui était sur un lavoir. Hein? Sur un lavoir. Alors, il y avait les lavandières qui pouvaient manger ces pommes. C'était défendu. Hein? C'est plus long que ça. Hein? On passe à la gantée. Hein? Pire, ça s'est tourné autrement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Hein? Puisqu'il ne fallait pas manger la pomme. Non. Hein? Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire

Mater Dei, et Mater Veni, Mater Spei, et Mater Gracie, Mater Plena, Sainte. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Salve Virgo, dignius aeteris, qui virgines omnes transcrederis, et asius sedes in superbis. Je vous invite à découvrir le site dastume.bzh qui archive la mémoire orale de Bretagne. Bisous.